Portrait d'assaut sur Fadjet. Le samedi 14 octobre aura lieu au Théâtre de la Foucotte une représentation d'une pièce organisée par une association d'étudiants de Metz, La Marmite de Coca Mbala. C'est organisé aussi avec le CCFD. C'est l'occasion de reparler un peu de ce mouvement, aussi de l'engagement, en compagnie aujourd'hui d'Aurélie Laurent, bonjour. Bonjour. Qui est chargée de développement associatif pour le CCFD Terre Solitaire, aussi en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bénévole au sein du CCFD Terre Solitaire, aussi en compagnie de Suzy. Bonjour Suzy. Bonjour. Qui est en stage et qui peut participer bien sûr à cet entretien. Le CCFD Terre Solitaire. Sylvie, en tant que bénévole, comment vous le présenteriez? Alors, le CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG qui s'occupe de solidarité internationale avec une approche de la solidarité internationale un peu particulière puisque nous soutenons des projets qui sont à l'initiative de groupes de personnes dans les pays du Sud. Nous ne sommes pas initiateurs de projets, nous n'envoyons pas de personnes, mais nous apportons notre soutien financier et aussi nous aidons à se mettre en réseau et à se former des associations dans les pays du Sud qui luttent contre la faim et donc contre toutes les injustices qui sont souvent à l'origine de la faim. C'est à peu près plus de 7000 bénévoles en France, c'est ça Aurélie Laurent? Oui, c'est ça, à peu près 7000 bénévoles dans toute la France. Votre rôle, vous alors, vous accompagnez les bénévoles? Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis salariée pour la région Lorraine et du coup, mon rôle, c'est principalement de trouver de nouveaux bénévoles pour le CCFD, de lancer de nouveaux projets, de permettre à des personnes qui ne sont pas forcément rencontrées, des collectifs, de pouvoir le faire. Voilà, et puis bien évidemment, accompagner déjà les projets qui existent et éventuellement, si c'est faisable, de faire de la collecte. Parce que le CCFD est une ONG qui ne vit que de dons, donc c'est vrai qu'on a quand même besoin un peu d'argent. Plus de 7000 bénévoles en France, combien pour la Meurthe-et-Moselle ou la Lorraine à peu près, Sylvie? Alors en Meurthe-et-Moselle, on est une centaine de bénévoles qui sommes engagés. Et puis on a un ensemble de personnes qui sont un peu sympathisants, qui nous donnent des soutiens ponctuels ou qui s'intéressent un petit peu et veulent découvrir notre association pour pouvoir prendre une place plus importante, soit durablement, soit à l'occasion d'événements où elles apportent leurs compétences et où elles trouvent leur intérêt et leur envie. Comment vous avez connu le CCFD? Alors moi j'ai connu le CCFD Terre Solidaire par mon engagement de catéchiste quand j'étais jeune, puisque le CCFD Terre Solidaire est une ONG d'origine et de racine catholique. Et donc, même si elle est à la fois présente dans le milieu catholique, mais aussi dans la société civile, et c'est une de ses particularités, j'ai découvert cette association à cette occasion par une animation avec des enfants dans le but de sensibiliser aux réalités d'un pays et de collecter. Et quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, j'ai croisé dans le cadre-là une bénévole qui m'a dit « t'as envie de donner du temps ? Eh bien écoute, je te propose cette association, viens voir avec moi. » Et puis c'est comme ça que j'ai pris un peu plus de place dans cette association. Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette association que vous n'auriez peut-être pas trouvé dans une autre association ? Alors, je ne suis pas bénévole que dans cette association. Oui. C'est aussi un de mes choix, c'est que j'essayais de diversifier un peu le temps que j'avais disponible. Au CCFD Terre Solidaire, ce que j'ai découvert tout d'abord, c'est une équipe de gens engagés, mais aussi de gens qui sont dans l'accueil, dans la proximité, dans le fait de recevoir les messages, de tenir au courant le réseau, de faire de la communication interne. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facettes dans ce qu'on pouvait faire. Et puis, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de rester, en plus du fait que les valeurs de cette association étaient complètement en cohérence avec mes envies de soutenir ce type de projet. Les premières actions que vous avez menées avec le CCFD, alors, vous vous en souvenez? Je pense que la première action, laquelle j'ai vraiment été mis sur le terrain, au-delà des choses un peu matérielles, d'organisation, etc., c'était ma participation au stand du CCFD Terre Solidaire au marché du monde. Au moment où je suis arrivée, il y a une quinzaine d'années, le CCFD Terre Solidaire était encore un acteur principal de l'organisation du marché du monde. C'était quelque chose qui nous motivait localement fortement, puisque c'est une spécificité de notre département. Et j'ai eu l'occasion d'aller sur le stand et d'aller au contact du public, premier contact avec les bénévoles plus anciens, pour parler au public passant. Donc pas le plus facile, leur donner envie de s'arrêter, de découvrir un peu notre association et puis de mettre en avant des exemples de projets qu'on peut soutenir, parce que c'est quand même comme ça qu'on comprend mieux ce qu'on fait quand on découvre ce qu'on appelle nos partenaires, c'est-à-dire les associations qu'on soutient. Le marché du monde, on peut peut-être en dire aussi deux, trois mots. Aurélie Laurent, est-ce que ça approche, hein, ce sera au mois de novembre, vers les 18-19 novembre. C'est quoi, marché du monde? Alors, on va retrouver bien sûr le CCFD, mais plein d'autres associations. Voilà, c'est vrai que le CCFD a été créateur du coup du marché du monde qui se passe au conseil départemental ici en Meurthe-et-Moselle. Mais voilà, en fait, ce que ça apporte, ça permet de faire des rencontres d'associations qui existent sur tout le Grand Est. Donc, ça ne s'arrête pas juste à la Lorraine, c'est vraiment sur tout le Grand Est qui viennent pendant ce week-end, justement, se rencontrer, faire découvrir en quoi ils ont un rapport avec la solidarité internationale. Et donc, le CCFD fait partie cette année. On va animer du coup une conférence sur la souveraineté alimentaire, donc tout autour du fait que chacun doit et peut pouvoir se nourrir par lui-même et sans forcément des apports de grosses multinationales. L'exemple que je prends souvent, c'est en forêt amazonienne, par exemple, quand les peuples indigènes sont chassés de leurs terres, bah, en fait, voilà, c'est vrai que du coup, ils peuvent plus se nourrir convenablement parce qu'ils sont mis en règle générale, ils sont même virés sur les bords de route. Et donc, nous, voilà, on lutte contre ça, justement, sur le fait qu'ils puissent récupérer leurs terres et pouvoir, du coup, par eux-mêmes, en fait, se nourrir. Pour revenir sur l'engagement associatif bénévole, on cherche toujours des bénévoles dans l'association. Et au CCFD, je suppose que c'est comme partout. Je pense que toutes les associations à l'heure actuelle recherchent toujours du monde parce qu'il y a toujours des choses à faire. À un moment comme le marché du monde, c'est l'occasion de poser des questions, de découvrir des mouvements, des associations, de se renseigner, puis de commencer un engagement. C'est un peu comme ça que vous avez commencé aussi. C'est des rencontres essentiellement qui font qu'on s'engage. Alors le marché du monde, c'est effectivement une occasion, comme tous les stands qu'on peut faire en dehors de notre environnement habituel. Puisqu'en fait, le marché du monde, sa caractéristique, c'est grand public. C'est des gens qui viennent parce que ça a un sens pour eux, la solidarité internationale, mais aussi des gens qui viennent faire des achats pour Noël auprès d'associations qui vendent des produits du monde. Et donc, c'est un peu la même chose quand il y a une rentrée des associations. Je crois qu'il y avait ça ce week-end à Nancy. Oui. Ça nous est arrivé d'y participer. En fait, il y a des personnes qui vont découvrir et qui vont se dire « Et pourquoi pas soutenir cette forme de solidarité internationale ?» Voilà, donc c'est l'occasion de rencontrer des personnes nouvelles. Aussi, je pense, de transmettre notre plaisir d'être bénévole dans l'association, parce que c'est aussi une rencontre humaine qui favorise l'engagement. Et puis aussi, c'est aussi l'occasion de se retrouver. Parce que finalement, autour de nous, dans les autres stands, il y a nos partenaires habituels, il y a des gens qu'on croise parfois dans des actions collectives, dans des animations. Et puis là, on prend un peu du temps, quand il y a moins de monde, de se retrouver, de se tenir un peu au courant de nos actualités. Donc c'est un moment assez enrichissant. Comment on devient bénévole du CCFD Aurélie Laurent? On contacte le CCFD Terre Solidaire, donc on regarde soit sur Facebook ou on regarde sur Internet. C'est pas trop compliqué à chercher. Et du coup, on prend contact avec l'association via un email ou via un numéro de téléphone. Et en fait, la plupart du temps, c'est une rencontre qui se passe au début parce qu'on n'impose jamais un bénévolat sur quelqu'un. C'est toujours quelque chose qui doit se faire avec plaisir, quelque chose qui doit intéresser. Donc voilà, après, c'est une première rencontre et en fonction des intérêts de la personne qui est en face de nous, on peut proposer telle ou telle chose qui peut se passer au sein du CCFD. Ça peut être autour de la communication, ça peut être autour de préparer une conférence sur un sujet qui est intéressant pour la personne. Toujours avec du coup l'aspect solidarité internationale. Et on s'engage à quelque chose? L'engagement, je pense que ça passe aussi par l'adhésion qui arrive à partir de septembre là. C'est quand on commence à adhérer à quelque chose, c'est-à-dire qu'on adhère aussi aux valeurs, etc. Et en tant que bénévole, on s'engage, je dirais plus généralement en fait sur un projet, en fait sur quelque chose qui nous convainc nous-mêmes et nous permet du coup de s'exprimer en tout cas sur... En fait, le fait de s'engager, ça veut dire qu'on soutient la cause. C'est déjà beaucoup, quoi. Parmi les actions, on a parlé du marché du monde. Il y a un autre rendez-vous qui approche. C'est la pièce de théâtre dont je parlais en introduction qui se déroulera au théâtre de la Foucotte. On peut peut-être en dire deux, trois mots. Oui. Au mois d'avril, on avait des services civiques qui étaient avec nous au CCFD. Donc, c'est possible aussi de faire un service civique au CCFD Terre Solidaire. Et en fait, on a rencontré une association d'art de Metz qui travaille sur une pièce de théâtre africaine. Donc, ça a été écrit par un Congolais dans les années 60. Et cette pièce de théâtre, en fait, replace la femme et les jeunes. En fait, elle questionne la place de la femme et des jeunes dans la société africaine. Nous, il y a une grosse thématique qui est en train de monter à l'heure actuelle, qui est le patriarcat. On considère que le patriarcat est une des causes de la faim dans le monde. Et c'est vrai que, du coup, cette pièce de théâtre qui arrivait à ce moment-là nous permettait, du coup, de faire des liens. Donc, c'était une certaine manière d'avoir une collecte d'argent. Parce que, du coup, les personnes qui vont venir, toute la recette va être donnée au CCFD. Mais en plus de ça, sur le côté de ça, juste après, en fait, il y aura un débat qui est organisé justement sur le patriarcat avec la présence d'une sociologue qui s'appelle Stéphanie, qui est bénévole au CCF des Terres Solidaires de Moselle et qui va permettre un peu le débat autour du patriarcat suite à cette pièce. Donc la représentation, on le redit, c'est à 20h au Théâtre de la Foucotte le samedi 14 octobre. Je crois qu'il y aura aussi une représentation à Épinal un peu plus tard. C'est ça, il y aura une représentation du coup le vendredi 20 octobre, la semaine juste après, à Épinal, au Théâtre Municipal d'Épinal. Voilà, la marmite de Coca Mbala. Sylvie, pour revenir sur cet engagement associatif, ça fait une quinzaine d'années que vous nous avez dit que vous étiez engagée. Oui, oui. Vous voyez une évolution aussi. C'est plus difficile de convaincre les gens aussi d'aller à la rencontre, de trouver des nouveaux bénévoles. Aurélie, peut-être aussi un mot sur cet engagement associatif. En fait, notre association, elle a été construite au départ par un regroupement d'autres associations. Et donc, il y avait un peu une alimentation, on va dire, automatique. C'est-à-dire que les associations membres, bah forcément, elles interpellaient leurs propres membres à prendre leur place. Et donc, au départ, enfin jusqu'à il y a une dizaine d'années, on renouvelait assez facilement notre bénévolat par les associations qui nous constituaient. Les choses évoluent maintenant et c'est un vrai enjeu pour nous, bénévoles, j'allais dire de l'ancienne équipe, enfin des anciens fonctionnements, de faire la place aux nouveaux bénévolats. Et le nouveau bénévolat, en fait, c'est des gens qui vont s'engager sur un projet ou qui vont s'engager en prenant le temps de discerner, de se renseigner, de se former, de regarder un peu ce que font les autres. Et puis, c'est tout à fait autre chose que du bénévolat dans lequel moi j'évolue encore, qui est un bénévolat avec un engagement régulier, qui est autour de faire fonctionner des missions de base. C'est une vraie remise en question parce qu'en fait, ces personnes-là, on ne les côtoie pas spontanément. Il faut aller vers elles. Et c'est là tout l'enjeu du poste d'Aurélie. Parce qu'Aurélie, bah, nous, on a épuisé un peu. On a épuisé autour de nous nos contacts, nos amis, les gens qui sont avec nous dans d'autres associations. Et Aurélie relève le défi d'aller interpeller des personnes. Et c'est quand même aussi une joie de découvrir que finalement, quand on met une annonce sur un site d'offre de bénévolat, bah, y a des personnes qui s'intéressent et qui candidatent. Alors après, évidemment, ce n'est pas les bénévoles qu'on a l'habitude de rencontrer. Ce n'est pas de la même manière qu'on les accueille. Il faut prendre du temps, il faut leur faire découvrir notre association qui n'est pas très connue, même si c'est la première ONG de développement en France. Elle n'est pas très connue et donc il faut prendre du temps pour ça. Il faut accepter que certaines personnes viennent et puis finalement, elles ne trouvent pas forcément leur compte dans la forme de solidarité un peu ambitieuse qu'on défend, il faut le reconnaître, puisque nous, on voit pas, on n'est pas sur le terrain, on ne voit pas concrètement la personne qui est au bout de la chaîne. Il y a une relation de confiance, il y a une relation particulière du lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans les pays du Sud. Il faut prendre le temps de laisser les gens y adhérer. Et puis, je pourrais rajouter, en complément de ce que disait Aurélie sur l'engagement du bénévole, l'association aussi s'engage à apporter des éléments d'information, de la proposition de formation. Et ça, je pense que c'est ce qui fait s'engager quelqu'un, c'est lui faire confiance en lui donnant accès à la formation. Je rajouterais quand même qu'au CCFD Terres Solidaires, nous sommes une grosse ONG, nous avons une structure politique. Nous avons des équipes régionales, des équipes d'élus. Nous avons la possibilité de permettre aux bénévoles de participer au choix des projets des partenaires que nous soutenons dans le monde par le biais de personnes qui sont élues à une commission du partenariat international. Et il y a plus de 100 bénévoles en France qui participent au choix des projets qu'on soutient, à peu près 500 projets par an dans le monde. Donc il y a aussi la possibilité de permettre aux personnes de faire un chemin qui n'est pas juste donner du temps, mais aussi contribuer vraiment aux décisions qui sont prises dans l'association. Et ça suppose, ça suppose un accompagnement professionnel, ce qu'apporte Aurélie, avec une capacité d'écoute, de proposer, d'écrire des offres, et puis d'aller à la rencontre avec un regard très ouvert et très neuf pour, par exemple, rencontrer les étudiants qui font la pièce de théâtre, et que je pense que ça ne se serait pas passé s'il n'y avait pas eu Aurélie sur ce projet. Suzy, peut-être une petite question. Alors oui, moi j'avais une question peut-être plus sur l'engagement concret des jeunes au sein de votre association. Donc comment est-ce que quand on est jeune, on peut faire des actions? Parce que c'est vrai que quand on parle de soutenir des projets financièrement, ça paraît peut-être un peu gros. Mais voilà, quand on est jeune, comment est-ce qu'on peut agir pour cette association? Par exemple, avec cette association d'art, donc, qui sont des étudiants, du coup, ils se sont proposés de faire un projet au profit du CCFD, mais ça, c'est très particulier, et c'est parce que c'était aussi leur manière de mettre leur art, justement, au service. Mais voilà, après, il y a des jeunes en ce moment qui me contactent pour pouvoir faire du plaidoyer. C'est une des rares associations qui font encore du plaidoyer local. Donc, le plaidoyer, c'est le fait d'aller voir des élus donc des députés, des sénateurs, des maires, et justement, en tant que citoyen, leur faire remonter un peu nos envies qu'on aimerait faire passer. Voilà, donc il y a des jeunes qui me contactent pour ça. Après, voilà, ça peut vraiment toucher tout. S'il y a des sujets de société qui sont intéressants, là, par exemple, l'histoire du patriarcat, on va faire des apéros de discussion qui vont être organisés avec des jeunes étudiants parce que c'était un peu leur but aussi de faire un peu quelque chose autour de l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est des sujets de société que nous, on s'empare avec la dimension, en fait, on ajoute juste la dimension internationale, ce qui est intéressant parce qu'on parle de ce qui se passe ici en France, mais des fois, c'est bien de prendre des exemples d'ailleurs pour pouvoir justement ajouter un petit peu d'exemples dans nos discussions. En fait, je pense qu'il y a tout bénévolat qui peut être disponible pour toute personne, vraiment en fonction de la personne qui est en face de nous. Autant pour tenir par exemple un stand, parce que quelqu'un qui est plus jeune va pas dire la même chose que quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il est là, n'est-ce pas Sylvie? C'est vrai qu'on apprend aussi en animant du coup un stand, c'est vrai que ça nous permet du coup de mieux comprendre l'association, comme on n'est jamais tout seul de toute façon, la personne qui est avec nous en général du coup nous apporte aussi des connaissances sur l'association, donc c'est des échanges quoi. Il y a aussi une évolution dans son engagement associatif, on peut commencer avec juste tenir un stand et après au fur et à mesure des mois, des années, prendre plus de place aussi, plus d'assurance et... Oui, je pense que c'est un des enjeux de toutes les associations, de tenir compte en fait d'une envie des personnes de ne pas s'enfermer dans quelque chose de routinier. Et donc, comme le disait Aurélie, il y a plein de possibilités de s'accrocher à des projets. Moi, j'ajouterais aussi qu'on souhaite laisser la place à des initiatives de projets. Quand on parlait tout à l'heure du marché du monde, l'année dernière, nous avions deux engagés service civique à Nancy qui ont participé à la tenue du stand. Il est évident que le public avec qui elles ont dialogué n'est pas celui que des bénévoles de 80 ans ou de mon âge peuvent être amenés à contacter. Et donc, les jeunes parlent aux jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intergénérationnel. Il y en a énormément, surtout dans notre association qui a 60 ans. Donc, voilà, il y a des militants qui sont très âgés et qui gardent une ferveur et une envie de défendre les causes pour lesquelles ils s'engagent. Et c'est aussi ce que portent les jeunes, qui nous amène une énergie, qui nous amène une envie de relever des défis. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que par rapport à ce qu'expliquait Aurélie du lien entre ce qu'on vit ici, ce qui se vit dans les pays plus pauvres, les jeunes ont quelque chose à dire et quelque chose à proposer. Et je pense que nous, on apprécie d'avoir des jeunes près de nous parce qu'ils peuvent transmettre ce message à ceux de leur génération. Les étudiants parlent aux étudiants, enfin voilà. Et nous, on peut être force, Aurélie, par ses compétences professionnelles, nous, par notre réserve, on a aussi énormément d'outils, on a énormément de supports, etc., à mettre à disposition. Mais après, il y a beaucoup de place pour aller au contact du public, pour interpeller les gens et les faire réfléchir. Et faire changer les regards. Et faire changer les regards, c'est notre slogan d'ailleurs. Et j'ai envie d'ajouter au niveau justement des étudiants, mais pour tout le monde, on a aussi la chance de pouvoir en fait ce qu'on appelle aider les uns et les autres à monter en compétences. Donc c'est ça qui est intéressant. Par exemple, là on organise avec deux jeunes à la MJC, on est en train d'organiser ça, donc il y a des personnes qui peuvent se joindre à nous. On va organiser pour le 8 mars l'année prochaine quelque chose autour de la journée des droits de la femme, justement avec cet apport un peu, en fait il y a des associations qui se sont levées pour que les femmes aient vraiment des droits. Et en fait, c'est aussi intéressant de pas juste pointer là où il y en a pas, mais c'est intéressant aussi de se dire il y a des choses qui se sont passées à certains endroits, et en fait faut le montrer parce que justement quand on lève notre voix, il y a des impacts. Et donc c'est vrai que en général c'est ce genre de choses plaît toujours aux étudiants, aux jeunes pros, parce que justement c'est vraiment un impact concret quoi. Une nouvelle occasion de s'engager avec le CCFD. Exactement. Il y a toujours plein de moments dans l'année pour le faire. Merci Aurélie. Juste pour rappeler la manière de contacter le CCFD Terre Solidaire. Si vous retenez CCFD Terre Solidaire, vous tapez ça sur Internet, vous allez forcément tomber sur un email, même si ce n'est pas le mien directement. Il sera renvoyé vers moi, comme on sait que vous êtes en Lorraine. Donc voilà, et puis même si vous écoutez par hasard sur les ondes et que vous n'êtes pas en Lorraine, sachez que le CCFD Terre Solidaire est partout en France, donc il y a toujours une équipe ou un lieu où vous pourrez du coup donner un peu de temps. Et on va à votre rencontre aussi au Marché du Monde les 18 et 19 novembre. Exactement. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Sylvie. Merci. Merci. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.